Un grand soulagement pour mon cœur. Un grand merci pour tout le monde. Pour là où j'en suis. Pour tout mon public. Merci. Merci à ceux qui écoutent ma zik. Merci à ceux qui ont compris que je ne veux pas fric. Merci à ceux qui aiment ma voix mélancolique. Merci de m'avoir donné ces statistiques. Merci pour tout mon public. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça me permet de rester authentique. Merci, car j'oublie pas d'où je suis. Donc merci d'en être là aujourd'hui. Ça me permet d'écrire ce que je vis. Merci de vouloir écouter mon histoire. Merci de m'avoir donné l'espoir. Merci de contribuer à mon savoir. Merci de ne pas m'avoir dit au revoir. Merci de partager mon histoire. Ça me permet d'écrire des sujets aléatoires. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci de ne pas m'avoir fait de paix. Merci. Merci. Merci.